roi David et le roi Salomon. Je voudrais prophète Samuel, ça fera un bon. Pour tous ceux qui ont cru, ce sera la fête là-haut.